Alexandre Dumas, Les Frères Corse, lu par Juliette pour audiocité.net. Chapitre 1er. Vers le commencement du mois de mars de l'année 1841, je voyageais en Corse. Rien de plus pittoresque et de plus commode qu'un voyage en Corse. On s'embarque à Toulon, en 20 heures on est à Ajaccio ou en 24 heures à Bastia. Là, on achète ou on loue un cheval. Si on le loue, on en est quitte pour 5 francs par jour. Si on l'achète, pour 150 francs une fois payé. Et que l'on ne rit pas de la modicité du prix. Ce cheval, loué ou acheté, fait comme ce fameux cheval du Gascon qui sautait du Pont-Neuf dans la Seine. Des choses que ne feraient ni Prospero ni Nautilus, ces héros des courses de Chantilly et du Champ de Mars. Il passe par des chemins où Balmatte lui-même eût mis des crampons, et, sur des ponts ou aureoles, demanderait un balancier. Quant aux voyageurs, il n'a qu'à fermer les yeux et à laisser faire l'animal. Le danger ne le regarde pas. Ajoutons qu'avec ce cheval qui passe partout, on peut faire une quinzaine de lieues tous les jours, sans qu'il vous demande ni à boire ni à manger. De temps en temps, quand on s'arrête pour visiter un vieux château bâti par quelques seigneurs, héros et chefs d'une tradition féodale, pour dessiner une vieille tour élevée par les Génois, le cheval tond une touffe d'herbe, écorce un arbre, ou lèche une roche couverte de mousse, et tout est dit. Quant au logement de chaque nuit, c'est bien plus simple encore. Le voyageur arrive dans un village, traverse la rue principale dans toute sa longueur, choisit la maison qui lui convient et frappe à la porte. Un instant après, le maître ou la maîtresse paraît sur le seuil, invite le voyageur à descendre, lui offre la moitié de son souper, son lit tout entier s'il n'en a qu'un, et le lendemain, en le reconduisant jusqu'à la porte, le remercie de la préférence qu'il lui a donnée. De rétribution quelconque, il est bien entendu qu'il n'en est aucunement question. Le maître regarderait comme une insulte la moindre parole à ce sujet. Si la maison est servie par une jeune fille, on peut lui offrir quelques foulards avec lesquels elle se fera une coiffure pittoresque lorsqu'elle ira à la fête de Calvi ou de Corte. Si le domestique est mâle, il acceptera volontiers quelques couteaux poignards avec lesquels, s'il le rencontre, il pourra tuer son ennemi. Encore faut-il s'informer d'une chose, c'est si les serviteurs de la maison, et cela arrive quelquefois, ne sont point des parents du maître, moins favorisés de la fortune que lui, et qui alors lui rendent des services domestiques, en échange desquels ils veulent bien accepter la nourriture, le logement et une ou deux piastres par mois. Et qu'on ne croit pas que les maîtres qui sont servis par leurs petits-neveux ou par leurs cousins au 15e ou 20e degré soient moins bien servis pour cela. Non, il n'en est rien. La Corse est un département français. Mais la Corse est encore bien loin d'être la France. Quant aux voleurs, on n'en entend pas parler. Des bandits à foison, oui, mais il ne faut pas confondre les uns avec les autres. Allez sans crainte à Ajaccio, à Bastia, une bourse pleine d'or pendue à l'arçon de votre selle, et vous aurez traversé toute l'île sans avoir couru l'ombre d'un danger. Mais n'allez pas à Locana, à Levaco, si vous avez un ennemi qui vous ait déclaré la vendetta. Car je ne répondrai pas de vous pendant ce trajet de 2 lieues. J'étais donc en Corse, comme je l'ai dit, au commencement de mars. J'y étais venu seul. Jadin était resté à Rome. J'y étais venu de l'île d'Elbe. J'avais débarqué à Bastia. J'avais acheté un cheval au prix susmentionné. J'avais visité Corte et Ajaccio, et je parcourais pour le moment la province de Sartène. Ce jour-là, j'allais de Sartène à Sulacaro. L'étape était courte, une dizaine de lieues peut-être, à cause des détours et d'un contrefort de la chaîne principale qui forme l'épine dorsale de l'île, et qu'il s'agissait de traverser. Aussi avais-je pris un guide de peur de m'égarer dans les maquis. Vers les 5 heures, nous arrivâmes au sommet de la colline qui domine à la fois Olmeto et Sulacaro. Là, nous nous arrêtâmes un instant. « Où votre seigneurie désire-t-elle loger ?» demanda le guide. Je jetai les yeux sur le village dans les rues duquel mon regard pouvait plonger, et qui semblait presque désert. Quelques femmes seulement apparaissaient, rares dans les rues. Encore marchaient-elles d'un pas rapide, et en regardant autour d'elles. Comme en vertu des règles d'hospitalité établies, et dont j'ai dit un mot, j'avais le choix entre les 100 ou 120 maisons qui composent le village, je cherchais des yeux l'habitation qui semblait m'offrir le plus de chances de confortable. Et je m'arrêtai à une maison carrée, bâtie en manière de forteresse, avec mâchicoulis en avant des fenêtres et au-dessus de la porte. C'était la première fois que je voyais ces fortifications domestiques. Mais aussi, il faut dire que la province de Sartène est la terre classique de la Vendetta. « Ah bon ?» me dit le guide, suivant des yeux l'indication de ma main. « Nous allons chez Madame Saviglia de Franchi. Allons, allons. Votre seigneurie n'a pas fait un mauvais choix, et l'on voit qu'elle ne manque pas d'expérience. » N'oublions pas de dire que dans ce 86e département de la France, on parle constamment italien. « Mais, demandai-je, n'y a-t-il pas d'inconvénient à ce que j'aille demander l'hospitalité à une femme ? Car si j'ai bien compris, cette maison appartient à une femme. » « Sans doute, répondit-il d'un air étonné. Mais quel inconvénient votre seigneurie veut-elle qu'il y ait à cela ? Si cette femme est jeune, repris-je, mu par un sentiment de convenance, ou peut-être, disons le mot, d'amour-propre parisien. Une nuit passée sous son toit, ne peut-elle pas la compromettre ? La compromettre, répéta le guide, cherchant évidemment le sens de ce mot que j'avais italianisé, avec l'aplomb ordinaire qui nous caractérise, nous autres Français, quand nous nous hasardons à parler une langue étrangère. « Eh, sans doute, repris-je commençant à m'impatienter. Cette dame est veuve, n'est-ce pas ? Oui, Excellence. Eh bien, recevra-t-elle chez elle un jeune homme ? En 1841, j'avais 36 ans et demi et je m'intitulais encore jeune homme. « Si elle recevra un jeune homme, » répéta le guide. « Eh bien, qu'est-ce que cela peut donc lui faire, que vous soyez jeune ou vieux ?» Je vis que je n'en tirerais rien si je continuais à employer ce mode d'interrogation. « Et quel âge a Madame Saviglia ? » demandai-je. « 40 ans, à peu près. »« Ah ? » fis-je répondant à mes propres pensées. « Alors, à merveille, et des enfants sans doute ?» Deux fils, deux fiers jeunes gens. Les verrai-je ? Vous en verrez un, celui qui demeure avec elle. Et l'autre ? L'autre habite Paris. Et quel âge ont-ils ? 21 ans. Tous deux ? Oui, ce sont des jumeaux. À quelle profession se destinent-ils ? Celui qui est à Paris sera avocat. Et l'autre ? L'autre sera corse. « Ah » fis-je trouvant la réponse assez caractéristique, quoiqu'elle eût été faite du ton le plus naturel. « Eh bien, va pour la maison de Madame Saviglia de Franchi. » Et nous nous remîmes en route. 10 minutes après, nous entrâmes dans le village. Alors je remarquai une chose que je n'avais pu voir du haut de la montagne, c'est que chaque maison était fortifiée comme celle de Madame Saviglia. Non point avec des mâchicoulis, la pauvreté de leurs propriétaires ne leur permettant sans doute pas ce luxe de fortification, mais purement et simplement avec des madriers dont on avait garni les parties extérieures des fenêtres, tout en ménageant des ouvertures pour passer des fusils. D'autres fenêtres étaient fortifiées en briques rouges. Je demandai à mon guide comment on nommait ces meurtrières. Il me répondit que c'étaient des archères, réponse qu'il me fit voir que les vendettes à Corse étaient antérieures à l'invention des armes à feu. À mesure que nous avancions dans les rues, le village prenait un plus profond caractère de solitude et de tristesse. Plusieurs maisons paraissaient avoir soutenu des sièges et étaient criblées de balles. De temps en temps, à travers les meurtrières, nous voyions étinceler un œil curieux qui nous regardait passer. Mais il était impossible de distinguer si cet œil appartenait à un homme ou à une femme. Nous arrivâmes à la maison que j'avais désignée à mon guide et qui, effectivement, était la plus considérable du village. Seulement une chose me frappa, c'est que, fortifiée en apparence par les mâchicoulis que j'avais remarqués, elle ne l'était pas en réalité, c'est-à-dire que les fenêtres n'avaient ni madrier, ni briques, ni archères, mais de simples carreaux de vitre que protégeaient la nuit des volets de bois. Il est vrai que ces volets conservaient des traces que l'œil d'un observateur ne pouvait méconnaître pour des trous de balles. Mais ces trous étaient anciens et remontaient visiblement à une dizaine d'années. À peine mon guide eut-il frappé que la porte s'ouvrit, non pas timidement, hésitante, entrebâillée, mais toute grande, et un valet parut. Quand je dis un valet, je me trompe. J'aurais dû dire un homme. Ce qui fait le valet, c'est la livrée. Et l'individu qui nous ouvrit était tout simplement vêtu d'une veste de velours, d'une culotte de même étoffe et de guêtres de peau. La culotte était serrée à la taille par une ceinture de soie bariolée, de laquelle sortait le manche d'un couteau de forme espagnole. « Mon ami, lui dis-je, est-ce indiscret à un étranger qui ne connaît personne à Sulacaro de demander l'hospitalité à votre maîtresse ?»« Non, certainement, Excellence, répondit-il. L'étranger fait honneur à la maison devant laquelle il s'arrête. « Maria, continua-t-il en se retournant du côté d'une servante qui apparaissait derrière lui. « Prévenez Madame Saviglia que c'est un voyageur français qui demande l'hospitalité. » En même temps, il descendit un escalier de 8 marches, roide comme les degrés d'une échelle, qui conduisait à la porte d'entrée et prit la bride de mon cheval. Je mis pied à terre. « Que votre Excellence ne s'inquiète de rien, » dit-il. « Tout son bagage sera porté dans sa chambre. » Je profitai de cette gracieuse invitation à la paresse, l'une des plus agréables que l'on puisse faire à un voyageur.